inégalité. Chômage, famine, malnutrition, rigueur. Des millions de gens crèvent à nos pieds. Condamnés à vivre dans la misère. Abandonnés, rejetés et laissés. Raquage, vol pour sortir de l'affaire. Pour pouvoir vivre dans la dignité. Un drame de plus dans la cité. Un drame de plus dans la cité. Pour s'habiller, pour sortir ou pour manger. Un drame de plus dans la cité. Un drame de plus dans mon quartier. Un drame de plus dans mon quartier.